l'histoire d'une pizza au barbecue, l'histoire d'un amour déçu. Par Tony Fombla et Samoyeda. Moi qui aime tant la pizza, ce soir je suis déçu de toi. Je voulais te manger avec les doigts, mais ce soir je ne mange que mon caca. Tony, Tony, Tony, je ne suis pas celle que tu attendais. Ne refuse pas pour autant de me goûter. Je suis presque en tout point comme elle, sauf que je ne suis pas italienne. Mais je suis ronde comme elle, croustillante comme elle, et tu seras remplie de moi comme tu pourrais l'être d'elle. Moi qui aime tant la pizza, ce soir je suis déçu de toi. Je voulais te manger avec les doigts, mais ce soir, je ne mange que mon caca. Je suis très bien comme ça, arrête ton cinéma. Ne me fais pas complexer d'autres avant toi m'ont goûté. Et ces autres-là, ils m'ont aimé, hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Tony? Qu'est-ce qui ne te convient pas chez moi, Tony? Dis-le-moi! Putain, Tony! Putain, mais qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. J'hésite. Mais en même temps, je suis bientôt moine, alors. Et puis, tu as une voix si sexy. Sèche tes larmes, oublie tout ça. Ce soir tu seras ma pizza. Je vais te manger avec les doigts. Toi, délicieuse Samoyeda.